La chèvre d'or, deuxième partie, chapitre 6. La chèvre d'or. J'avais oublié la chèvre. Gantôme, au matin, me la rappelle. Arrivé tard, avec Arlatan, il a couché. Tardive, aussitôt repartie, chez cet ancien capitaine dont patron Ruff, hier, me parlait. Gantôme m'apporte ma valise. En la posant sur la table, il découvre un fragment de rocher rouge luisant de paillettes ramassé par moi machinalement à l'endroit où la chèvre m'était apparue. Il s'extasie. Il me demande si toutes ces paillettes sont du vrai or. La clavette aussi l'intéresse. Généralement, les clavettes sont en buis, taillées au couteau. Et Gantôme me fait remarquer que celle-ci est en ivoire. Puis il me quitte pour aller chercher mes livres. Demeuré seul, je réfléchis. Bien avant les récits de patron Ruff, je la connaissais sa légende, et dans tous les coins de Provence, j'avais rencontré la chèvre d'or. Au beau, errant les nuits de lune à travers les palais abandonnés et courant le long des abîmes. Non loin d'Arles, à Cordes, autour du mystérieux souterrain taillé dans le roc en forme d'épée. Près de Valoris, du Val d'Or, sur ce plateau semé d'étranges ruines qu'on appelle également Cordes ou Cordoue, et d'où la vue s'étend si belle par-delà les bois d'orangers qui font ceinture au golfe Juan jusqu'aux îles de l'Hérens, Sainte-Marguerite, Saint-Honorat, brillantes et blanches au milieu de la mer. Partout la légende se rattachait au souvenir de l'occupation sarrasine, et partout il s'agissait d'une chèvre à la toison d'or, habitant une grotte pleine d'incalculables richesses, et menant à la mort l'homme assez audacieux pour essayer de la suivre ou de s'emparer d'elle. Ainsi, ma demi-hallucination s'explique de la façon la plus naturelle du monde. La chaleur était accablante sous les pins, et la tête encore lourde des bavardages de patron Ruff, il n'est pas étonnant que, m'étant endormie, j'ai rêvé trésor, et qu'au réveil, j'ai un instant pris pour la chèvre d'or, la première chèvre venue. Les chèvres rousses ne sont pas rares. À Naples, je me souviens d'en avoir vu tout un troupeau au pied du tombeau de Virgile. Si les sabots de ma chèvre luisaient avec des reflets de diamants, c'est que sans doute elle les avait polis à courir dans l'herbe sèche et les pierrailles. Si ses cornes luisaient aussi, c'est qu'elle aimait fourrager tête en avant au milieu du feuillage dur des myrtes et des lentisques. Quant aux traces laissées par ses sabots, j'étais suffisamment géologue pour constater un seul examen du peu précieux caillou admiré de Gantôme, qu'il s'agissait bien d'un fragment de porphyre rouge où s'incrustaient des grains de mica. La clavette pourtant m'intriguait. Je la montrai à l'aubergiste. « Ceci, me dit-il en prenant un air grave, est une clavette de sonnaille, mais bien qu'ayant dans le temps gardé les troupeaux, je n'en vis jamais l'appareil. D'abord, si je ne me trompe, on la croirait enfin ivoire. Et puis, remarquez ces dessins. Les bergers d'aujourd'hui ne savent plus travailler ainsi. Ça doit être vieux, comme les chemins. L'homme qui fit la clavette doit être mort depuis longtemps, et aussi la bête qui la portait au cou. Je jugeai inutile de détromper l'hôtelier en lui racontant comme quoi la chèvre qui avait perdu la clavette se trouvait vivante et bien vivante. Que la clavette soit ou non ancienne, un morceau d'ivoire aura toujours pu tomber par hasard entre les mains d'un pâtre qui se sera amusé à le sculpter. Il n'en est pas moins vrai que si le pâtre en question, un pâtre quelconque ou Gantôme, en faisant la même trouvaille, avait vu comme moi fuir dans l'éblouissement du couchant une chèvre aux poils rutilants et fauves, si comme moi il avait remarqué sur les pierres que ses sabots effleuraient des taches d'un éclat métallique, rien ne l'eût empêché de croire que réellement la chèvre d'or lui était apparue. J'aurais voulu être ce pâtre. Je serais retourné au vallon chaque soir, ému de terreur et d'espérance pour la guetter, pour la traquer, malgré périls et précipices, par les lieux sauvages qu'elle hante, jusqu'au trésor, jusqu'à la grotte. Et cette naïve illusion aurait du moins pendant quelques heures, pendant quelques mois, éclairé ma vie.